bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, on va entendre Spock's Beard des États-Unis, Camera Australis d'Italie, Camellia's Garden d'Italie, Arca Project encore d'Italie, Holocene, devinez quoi, d'Italie, Téléharmonium, ça c'est un groupe canadien qui nous vient de Winnipeg. On aura une nouveauté aussi de l'Allemagne avec le groupe Finally George. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré à un retour dans les années 70 avec Aphrodite Child de Grèce, Neusch Wanstein d'Allemagne et Eloy aussi d'Allemagne. Alors, comme à l'habitude, on a le premier bloc de l'émission qui est consacré à un album de la semaine et on a une nouveauté aujourd'hui du groupe Spock's Beard. Spock's Beard, ben, c'est un groupe qui a été formé en 1995 par les frères Morse, notamment Neil Morse, qui a quitté le groupe lui après 5 albums. Il a quitté en 2002 et en fait, le groupe a 13 albums à son actif. Et le 13e, ben c'est celui qui vient de paraître il y a quelques semaines, c'est Noise Floor. Et ça marque aussi, sur cet album-là, le retour du batteur Nick Virgilio. Nick Virgilio qui avait quitté après l'album 10 en 2011. C'est un retour qui est très apprécié par les amateurs de ce groupe-là. Alors, l'album Noise Floor, c'est un album de 68 minutes qui comprend 12 pièces. Et durant le bloc, je vous propose 4 extraits de cet album-là. So This Is Life, Box of Spiders, Have We All Gone Crazy Yet? Et One So Wise. Alors, on débute ça à l'instant. Time we'll find until it's over. We'll be right back. Life's getting stranger by the day. Have we all gone crazy? All gone crazy yet? fault. And with a rush, his feet began to move, pacing with a quickening heart. Would this be the thing he chased for years, or just another lifeless start? You can't know that which you Alors, c'était le groupe américain Spock's Beard avec quatre extraits tirés de leur plus récent album Noise Floor. Alors, après la pause, on aura un bloc consacré exclusivement au rock progressif italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, le deuxième bloc, comme je le mentionnais avant la pause, est occupé par trois groupes de rock progressif italien de différentes périodes. Alors, on va débuter avec Camera Astralis. C'est un groupe qui a un seul album qui est paru en 1998. L'album s'intitule I Supplicanti et on entendra la pièce La Ruota del Pavone. Et ensuite, c'est un autre groupe avec un seul album à son actif, c'est Camellia's Garden. Ils ont produit l'album You Have a Chance, ça c'est paru en 2013, et on va entendre la pièce The Withered Throne. Et pour conclure le bloc, on aura deux pièces de la nouvelle formation italienne Arca Project. Alors on débute ça. Thank you.

le sue penne nere, spiegando le ali verso l'ignoto. nel processo evolutivo che poi Darwin ci insegnò. Il più debole scomparve, il più forte progredì. Neanderthal fu sopraffatto, Cro-Magnon gradualmente si insediò, evolse in Homo sapiens, ma Neanderthal è ancora dentro noi. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un nouveau groupe italien du nom de Arca Progjet. J'ai bien dit Progjet et non pas Project. Ça s'écrit P-R-O-G-J-E-T. Et on a entendu deux extraits de l'album homonyme qui est paru. C'est leur premier album, bien entendu. Et la pièce qu'on a entendue la dernière, c'était Neanderthal, c'est-à-dire. Et ça a été précédé de Battito Dali. Et auparavant, nous avions Camellia's Garden, un groupe italien aussi, avec la pièce The Withered Throne, tirée de You Have a Chance, ça c'est paru en 2014. Et en début de bloc, nous avions Camera Astralis, un autre groupe italien, et la pièce La Ruota del Pavone, ça c'est tiré de I Supplicanti, paru en 1996. J'ouvre une parenthèse ici pour vous orienter vers la page Facebook de l'émission Rock de Neurones si vous avez des questions sur le libellé, l'orthographe des artistes, des pièces, des albums. En tout cas, tout ça est disponible sur la page Facebook de Rock de Neurones. Après la pause, un autre groupe italien, Holocene. On a un groupe de Winnipeg, Téléharmonium, et une nouveauté d'Allemagne avec le groupe Finally George. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au troisième bloc de l'émission et pour débuter, ça va être un groupe italien, Holocene. C'est un groupe qui a un album qui est paru il y a pas très longtemps, c'est il y a quelques mois. Et ça, c'était un groupe qui avait été actif sous un autre nom dans le début des années 90. Le groupe s'appelait Banao. Et aujourd'hui, ben, ils nous proposent, il y a quelques mois, ils nous ont proposé un album homonyme. Et moi, je vous ai préparé Welcome to Rome. Et ça va être suivi d'un groupe du Canada, Winnipeg, pour nommer la province. Et c'est le groupe Téléharmonium. Et ils ont un album paru en 2015, je crois. C'est ça. Et l'album s'intitule The Mother Generator. Et je vous propose la pièce The Influencing Machine. Et pour conclure le bloc, eh bien, c'est un nouveau groupe d'Allemagne. Le groupe s'appelle Finally George. L'album, c'est Life is a Killer. Et la pièce que vous allez entendre, c'est She. Alors, on débute ça avec Holocene. We'll be right back. must lie. Thank you. Thank you. sitting in your room, wondering where she is now, and you feel like you have no one to talk to. There is nothing you can do. She's gone. Alors ça nous venait d'Allemagne, c'est le groupe Finally George, c'est un nouveau groupe et l'album est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Life is a Killer et la pièce She. Et auparavant, on a entendu un groupe de Winnipeg, Téléharmonium, et la pièce The Influencing Machine tirée de leur album, c'est le seul album qu'ils ont, c'est The Mother Generator, paru en 2015, et en début de bloc, nous avions Holocene, et la pièce « Welcome to Rome » tirée de l'album homonyme, ça c'est paru, c'est récent, ça fait quelques semaines. Alors après la pause, un retour dans les années 70. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le dernier bloc de l'émission avec un retour dans les années 70 et trois groupes qui ont fait la pluie et le beau temps dans ces années-là. Le premier, c'est Aphrodite Child, un groupe grec. Le premier album en 68, le deuxième en 69 et le dernier en 1972. J'ai nommé Aphrodite Child. Aphrodite Child qui ont culminé en 72 avec l'album 666. Et ensuite, le groupe s'est dissous. Et il y a deux membres de ce groupe-là qui sont devenus fameux, très connus. J'ai nommé Vangelis Papathanasiou, qui opère sur le nom de Vangelis. Et on a eu Demis Feu, Demis Roussos, qui a fait une carrière pop en Europe assez fulgurante. On va continuer avec Neuschwanstein. Ça, c'est un groupe allemand qui a fait un très bon album qui a été très apprécié en 1978. C'est l'album Battlement. Et on va entendre la pièce Intruders and the Punishment. Ça, c'est un groupe qui a fait un album en 78, le deuxième en 2008, donc 30 ans plus tard, et le troisième en 2016. Et je dois dire que le 2016 Fine Arts, c'est une structure plutôt classique. Là. C'est très, très différent de ce qui a été fait en 1978. Et on va clore avec le super groupe Eloy. et Lloyd qui sont toujours actifs. D'ailleurs, il a paru un album l'an dernier, c'était The Vision, The Sword and the Pyre. Ça, c'est la vie de Jeanne d'Arc. Mais si on retourne en 1977, et je pense l'album, moi, c'est l'album que je préfère du groupe, c'est Ocean, et on va entendre la pièce Atlantis Agony. Alors, on débute ça avec Aphrodite Child. Thank you.

Thank you. Alors, vous aurez reconnu Eloy et la pièce Atlantis Agony. Ça, c'est tiré de l'album Ocean, paru en 1977. Eloy est un groupe allemand qui est encore actif. Et ça a été précédé d'un autre groupe allemand, c'est Neuschwanstein et la pièce Intruders and the Punishment, tirée de Battlement, paru en 1979. Et en début de bloc, nous avions le groupe grec Aphrodite Child et la pièce Agency, tiré de l'album 666. Alors ça me fait la programmation musicale de cette 202e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et de plus, l'émission est aussi disponible sur Internet. Ça, c'est à partir de l'application SoundCloud. Alors, vous ouvrez le site et dans la barre de recherche, vous tapez Rock de Neurones et ça va vous amener à l'émission courante de la semaine. Et pour plus de détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous avez un lien qui sur la page Facebook de Rock de Neurones. Vous avez un lien qui vous... mais en fait, c'est plus qu'un lien, c'est la description, la feuille de route de l'émission. Et le lien dont je vous parlais, c'est celui qui vous amène aux émissions archivées. Il y en a plus de 135. Et encore une fois, mais c'est, vous avez toute l'information concernant les pièces qui ont joué dans les émissions précédentes. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.